Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grands titres. Un habitant du quartier Kanyengoko se trouve dans les mains de la police à Rumonge. Il est accusé d'avoir infligé des coups et blessures à son enfant, son propre enfant d'un peu plus de 2 ans. Des habitants de la province de Ruigi à l'est du pays qui se sont déjà pardonnés mutuellement pour les crimes commis en 1993 subissent des insultes, des intimidations de la part de leurs voisins, des gens qui ne veulent pas que la vérité éclate au grand jour selon un expert, vous l'entendrez. Le chemin reste encore long pour aboutir à la prise en charge totale des personnes handicapées. La ministre Imelda Sawuchimike, ayant la solidarité dans ses attributions, reconnaît les faits. Elle a sorti une déclaration irrelative ce mercredi à la veille de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Et en international, l'ancien ministre malien Soumaïlou Maïga, qui dirige aujourd'hui la coalition ASMA-CFP, entend bien soutenir le processus de transition en cours. Et en Ouganda, le candidat à la présidentielle, Bobi Wine, opposant au président Yoweri Museveni, a dû suspendre sa campagne hier mardi, son véhicule ayant essuyé des tirs venant des forces de sécurité. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Nous nous excusons de cette imperfection. L'administration de la mairie de Bujumbura compte réorganiser le travail d'enlèvement des immondices dans les marchés. Jimmy Atungimana, le maire de la ville, constate que les organisations chargées de faire ce travail n'accomplissaient pas convenablement leur mission. Cette réaction intervient après les lamentations des commerçants du marché de Ruvumera en zone urbaine de Buyenzi, comme quoi ils sont menacés par des immondices entassés sur les lieux de travail. Suivez-le au micro de Jean-Marie Mayonga. Nous sommes au courant de cette situation et dans un premier temps, nous nous sommes dit qu'il faut d'abord nettoyer dans nos quartiers respectifs et c'est ce qu'on est en train de faire. Et une fois terminé, nous allons nous attaquer à des immondices qui sont éparpillés dans les marchés de la capitale. Au départ, c'était une activité bien organisée, mais depuis un certain temps, nous avons finalement remarqué qu'il y a un problème au niveau de la logistique. Et les gens qui se sont dit qu'ils sont en mesure de faire ce travail, ils sont heurtés à des difficultés, leur charroi est vétuste, raison pour laquelle le travail à temps plein n'est plus facile, n'est plus possible. Et aussi, il y a une autre problématique, celle d'une décharge communément appelée Kouterere, une décharge supposée pleine. Mais ce que nous allons faire très rapidement, nous allons faire un état des lieux pour nous assurer effectivement si la décharge est déjà pleine. Mais les on-dit font état d'une décharge qui n'est pas exploitée. Plutôt, on exploite les alentours. Donc les camions qui transportent les décharges les jettent dans la périphérie de la décharge. Nous allons faire une descente avec nos partenaires techniques pour nous rassurer si effectivement l'accès est libre pour cette décharge. Et il y a aussi d'autres immondices qui nécessitent des gros moyens et là aussi nous sommes en train de nous organiser pour solliciter ça et là des machines appropriées pour essayer de dégager le plus rapidement possible ces immondices. Le chemin reste encore long pour prendre en charge en totalité les personnes handicapées, même si tant d'actions comme l'appui en activité génératrice de revenus ont été menées. Propos d'Imelda Sawuchimike, ministre ayant la solidarité dans ses attributions, dans une déclaration sortie à la veille de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Suivez-les. Le 3 décembre de chaque année, le Burundi se joint à d'autres nations du monde entier pour célébrer la journée internationale dédiée aux personnes handicapées. Pour cette année, le thème international est « Reconstruire, amener vers un monde post-Covid, inclusif, accessible et durable » au moment où celui retenu au niveau national est « Briser les barrières pour atteindre un développement inclusif, accessible et durable pour les personnes handicapées ». Nous nous réjouissons que cette journée intervienne au moment où le comité national chargé de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale des droits des personnes handicapées au Burundi est déjà opérationnel. Même si tant d'actions, notamment la rééducation et la réadaptation physique, l'appui en activité génératrice de revenus au bien-être des personnes handicapées ont déjà été menées, le chemin reste encore long vu l'immensité des besoins qu'exigent les prises en charge complètes. À cet égard, nous sollicitons l'implication de tous les acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, pour l'élaboration d'une feuille de route commune en vue de la mise en œuvre de la politique nationale déjà évoquée et de son plan d'action. La célébration de cette journée aura lieu pour le 4 décembre 2020 et sera marquée par l'inauguration des infrastructures sportives, le sitting volleyball pour les personnes handicapées, sise dans la zone Ngagala, en commune Ntahangwa de la mairie de Bujumbura. C'est Imelde Sabushimike, ministre de la Solidarité nationale et du genre. Plus de 40 millions de personnes sont victimes de l'esclavage moderne à travers le monde. Ceci ressort du communiqué des Nations Unies, ce 2 décembre, en marge de la célébration de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Selon le communiqué, les forces contemporaines d'esclavage sont notamment la traite d'êtres humains, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, les mariages forcés et le recrutement forcé d'enfants dans les conflits armés. Ces formes d'esclavage n'épargnent pas la nation burundaise, mais des solutions sont toujours envisagées pour y faire face. Les détails de ce communiqué avec Armel Mutore. Le 2 décembre a été choisi pour commémorer la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, adoptée par l'ONU en 1949. L'objectif de cette journée est d'éradiquer les formes contemporaines d'esclavage, telles que la traite d'êtres humains, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, les mariages forcés et le recrutement forcé d'enfants dans les conflits armés. Selon l'Organisation internationale du travail, OIT, il y a actuellement plus de 40 millions de victimes d'esclavage moderne dans le monde, dont environ 25 millions du travail forcé et plus de 15 millions du mariage forcé. Cela signifie qu'il y a plus de 5 victimes d'esclavage moderne sur 1000 personnes dans le monde. Selon toujours ce communiqué, au niveau mondial, plus de 150 millions d'enfants sont contraints de travailler, ce qui représente plus d'un enfant sur 10. Cela va à l'encontre de la Convention relative aux droits de l'enfant qui reconnaît le droit de l'enfant d'être protégé de l'exploitation économique et de tout travail susceptible d'être dangereux ou d'interférer avec l'éducation de l'enfant ou de nuire à la santé de l'enfant ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Une victime sur 4 d'esclavage moderne est un enfant. Le Burundi n'est pas épargné par ce fléau de la traite des êtres humains. Selon le site officiel d'Akeza, au Burundi, sous l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a lancé l'année passée un projet destiné à lutter contre la traite des personnes au Burundi. Il s'agit d'un plan établi sur 3 ans, de 2019 à 2022, dont l'objectif est de renforcer la sécurité humaine et apporter une assistance appropriée aux victimes. C'est un projet qui permettra non seulement de lutter contre la traite et divers crimes transfrontaliers, mais aussi d'améliorer la sécurité humaine des communautés touchées par cette pratique et de fournir un soutien approprié aux victimes de la traite. Ce projet permettra également d'outiller la police nationale à travers des formations pour qu'elle puisse bien lutter contre cette pratique et de promouvoir une bonne gouvernance tout en renforçant la capacité des acteurs de la sécurité afin de permettre l'identification des migrants vulnérables et enquêter sur les cas de traite, surtout au niveau des zones frontalières. Je vous le disais en titre, un homme habitant le quartier Kanyenkoko dans la ville de Lumonge est dans les mains de la police et judiciaire de Lumonge depuis la soirée de ce mardi. La police le soupçonne d'avoir infligé des coups et blessures à son enfant d'un peu plus de 2 ans. Au niveau des organisations de défense des droits de l'enfant à Lumonge, l'on demande que justice soit rendue à cet enfant. Le commissariat provincial de la police à Lumonge dit avoir déjà commencé les enquêtes. Et certains habitants de la province de Ruyigi qui se sont pardonnés pour les crimes de 1993 subissent des insultes et parfois des intimidations. Alexis Niwigila, psychologue et expert dans la prise en charge psychosociale, explique que ceux qui maltraitent ces gens ne veulent pas que la vérité éclate au grand jour. Il trouve pourtant que ceux qui se sont pardonnés mutuellement ne doivent pas céder à la panique. Rassure-moi. Le discours métaphorique est un discours contenant les messages difficiles à comprendre. Chartier Nyungeko, l'expert en transformation des conflits, ajoute que ce genre de discours est généralement utilisé par des leaders et peut être compris par quelques groupes de gens. Cela suscite des confusions et des tensions et pourrait, à la longue, provoquer des violences si rien n'est fait pour stabiliser la situation. Le point avec Ornella Mucho. Le discours métaphorique est généralement un discours codé. Chartier Nyungeko, l'expert en transformation des conflits, précise que pour pouvoir comprendre, il faut un système de décodage. Il ajoute que ce genre de discours est souvent utilisé par des leaders. Il s'agit souvent d'un discours qui est souvent exploité par des leaders pendant des situations où ces derniers ne veulent pas que tout le monde comprenne facilement ce qu'ils veulent communiquer. Mais de l'autre côté, ils savent bien ce qu'ils communiquent et ils savent bien que leur groupe ou les gens qui sont derrière eux peuvent comprendre, peuvent essayer de comprendre le message clé que leur communique. Quand ils utilisent ce langage, il s'agit de situations dans lesquelles ils ont des intérêts poursuivis. À partir de ces discours, certains comprennent ce qu'ils sont interpellés à faire et d'autres vont se sentir qu'ils sont dans l'insécurité. De là peuvent naître des violences, précise Chartier Nyungeko. C'est des discours qui suscitent la peur dans les cœurs des gens, qui suscite des tensions, qui suscite des perceptions diverses et souvent des perceptions négatives, surtout du côté de l'audience. À base de ces perceptions, ces discours peuvent conduire à des divisions, peuvent conduire à des tensions, même à des violences de masse. À des violences pourquoi? Parce que les gens qui vont se sentir visés vont adopter un comportement conséquent. C'est de la même chose pour ces gens-là qui vont profiter de ce message qui est la sépare solidaire. Tout au niveau des réactions, c'est là où alors on peut observer des conséquences. Et lorsqu'ils se sentent qu'ils sont dans la sécurité, ils vont aussi adopter un comportement d'autodéfense. Ils demandent aux diseurs de toujours analyser leur message dans l'intérêt de ne pas déstabiliser l'audience. C'est pourquoi ce genre-là qui m'écoute, surtout aux leaders, il faut d'abord analyser le message qu'ils veulent partager. Avant de parler, il faut qu'ils se mettent à la place de l'audience pour se poser une et mille questions de savoir comment ces gens-là vont réagir, comment ces gens-là vont se sentir. Pour moi, avant de parler, je me mettrai de la personne qui va m'écouter. Alors, après avoir analysé le message à lancer, c'est là où alors le leader qui veut partager va essayer d'utiliser un message rassurant. Il interpelle également l'audience à adopter un comportement d'écoute active et si possible contribuer dans la lutte contre la prolifération ou l'utilisation de son genre de discours. Merci Ornella. Et sans transition, actualité et actualité internationale, Soumaïlou Maïga, l'ancien premier ministre et ancien ministre malien de la Défense, qui dirige aujourd'hui la coalition ASMA-CFP, entend bien soutenir le processus de transition en cours. Le Mali post-coup d'État s'est doté en effet d'un président et d'un vice-président, d'un premier ministre et d'un gouvernement. Selon RFI, il ne manque plus que cette future assemblée législative dont la composition fait polémique au point qu'un grand nombre d'organisations politiques ou syndicales maliennes refusent d'y siéger. À commencer par le M5-RFP, la coalition qui a mené la contestation populaire contre le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta avant le coup d'état militaire et qui fustige l'accaparement par les militaires des organes de la transition. Ce n'est donc pas le cas de Soumaïlou Maïga, président de l'ASMA-CFP. S'il ne comptait pas y siéger en personne, il aura des représentants au sein du futur Conseil national de transition. Soumaïlou Boubacar Maïga n'a jamais caché le soutien qu'il entendait apporter aux auteurs du coup d'état militaire du 18 août et à la transition qu'il met en place, une période censée aboutir à l'organisation d'élections législatives et présidentielles crédibles. Et en Ouganda, le candidat à la présidentielle, Bobi Wine, de son vrai nom, Robert Kyagulanyi, a dû suspendre sa campagne hier mardi. Son véhicule a essuyé des tirs venant des forces de sécurité, selon encore RFI, qui précise que deux membres de son équipe de campagne ont été blessés. L'opposant au président Yoweri Museveni en appelle à la commission électorale. Il réclame que celle-ci assure la sécurité du processus électoral et de tous les candidats. Et voilà, C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Séraphine et à Kizimana pour la mise en onde. Excellente journée à tous. Au revoir.